Doublet suivant, toujours dans l'aspect française, Argile Mort, deux formations qu'on vous a déjà diffusées. Argile, le grand retour après de très très très nombreuses années sans production studio. Argile, maintenant, c'est le full line-up de Misanthrope qui se retrouve donc sur ce projet 100% parallèle à eux. On est toujours sur de l'avant-gardiste Doomtess. C'est une version un peu moins tech et plus frontale que Misanthrope. 12 titres pour 80 minutes, ça reste un bon gros pavé. Argile, 14 ans, donc que rien n'était sorti de leur fourneau studio. On s'écoutera le titre Zephyr Penitent, extrait de l'album Spin Angel. Et oui, la particularité, c'est que là, ça chante 100% en anglais. Mort, ensuite, on s'écoutera le titre Sulfur, extrait de l'album Hear the Hour Nearing. Mort, on en a déjà parlé il y a quelques années, puisque la formation ne nous est pas inconnue, hein, ça nous vient de Rouen, ça s'est formé il y a 10 ans, et c'est le premier album studio qui voit le jour après seulement une production en 2015, un album qui voit le jour chez les Acteurs de l'Ombre. On est sur du black plutôt raw, atmosphérique, typé 90, et dans le line-up on retrouve des ex ou actuels membres de Sordid et Ifernet. C'est mélancolique, c'est classique French et c'est surtout très très bien fait. C'est parti. I want. Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, on aura Take It in Blood et on est encore sur une formation francilienne qui nous donne dans le hardcore, voilà, typé 90 avec un flow très hip-hop, à la limite oi, hein. Bon après le chanteur vient de cette scène-là. Voilà, 5 compos plus une intro, c'est plutôt old school, ça vient de sortir chez Quality Control en Angleterre. Et bah c'est un peu la grosse patate, Take It in Blood. En doublette, on aura une récente formation nantaise, active depuis 2017, Subterrean. On est sur du post-metal, un peu sludgy, atmosphérique. Sans trop de surprise, ça vient de sortir chez Frozen Records, c'est le deuxième album studio. Ça fait un peu, à peu près 40 minutes, pardon, seulement 4 compos. Ça permet de dérouler bien comme il faut entre 7 et 10 minutes par titre. On peut rapprocher ça d'un Neurosis, Paul Bearer ou même Paradise Lost. C'est massif, c'est oppressant et plutôt bien inspiré tout autant que bien réalisé. Au niveau des titres choisis, on aura Take It in Blood avec le morceau Roadmap of Pain, c'est tout simplement le titre de leur EP. Subterranean, Paving the Way to Oblivion, extrait d'album In the Aftermath of Blight. C'est parti. To suffer, rock the back of victory. Alone, I will die. Mm-hmm. Pour la suite, un peu de lourdeur, bien indigeste avec Coffins, la formation nippon de Doom Death ultra caverneux. Sixième effort studio, 5 ans se sont écoulés depuis le précédent. C'est un groupe qui s'est formé en 96. Voilà, ça reste toujours aussi rampant, violent et reconnaissable, la musique de Coffins. Et toujours un grand plaisir chacune de leurs sorties studio à découvrir. Selbst, qui est en doublette avec Coffins, c'est du black, un one-man band qui vient du Venezuela et qui s'est installé récemment au Chili. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir sur le label français DB Murmorty Productions. 7 titres pour environ 45 minutes d'un black dissonant qui a parfois même tendance à se rapprocher d'un album de post-black. C'est hyper travaillé, voilà, avec des belles alternances de colère viscérale et d'autres séquences un peu plus introspective et mélancolique. La recette est superbement bien maîtrisée, c'est chez Selbst. Coffins Headless Monarch, extrait de l'album Sinister House. Selbst, La Encarnación de Todos del Miedos, extrait de l'album Despondency Chord Progression. J'adore ces titres en espagnol. C'est parti. Allez, toujours plus de nez de violence, on se rapproche tranquillement de la fin de l'émission de ce soir, mais, on en garde un peu sous la patte, avec la doublette Eight Force et No Man, des formations qu'on vous a déjà présentées ces dernières semaines. Eight Force, tout d'abord, side project du vocaliste de Armway, James Plig, avec un de ses potes de Weekend Nachos à la basse, actif depuis une dizaine d'années. Le premier album est sorti en 2019, et le deuxième vient de voir le jour chez Close Cascade Activities, dix titres pour 40 minutes d'un cross death croisé entre du hardcore et du grind. C'est bien vénère, nihiliste, hyper sombre, et la basse sonne magnifiquement bien. Et surtout, James Plig nous en montre des tonnes. Vocalement parlant, on est assez loin et de manière beaucoup plus radicale d'un Arms Way. No Man, ensuite, on est sur du punk hardcore qui nous vient de Washington. Formation active depuis 2017. C'est le troisième effort studio qui vient de voir le jour. Dit-il pour 30 minutes, c'est concis. Ça reste pas expéditif, les morceaux ont quand même le temps de bien dérouler et de nous maraver les gencives. Formation menée par une vocaliste d'origine palestinienne, ça renforce encore plus la haine et la rage dans ses lignes vocales. Un résultat forcément viscéral, engagé et très militant. Quelques influences post-hardcore par-ci par-là pour nous poser des petites séquences en mode faux calme. Rap, Eight Force, Massive Grave, extra album Systems of Terror, No Man, March of Hides, extra album Glitter and Spit. C'est parti. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue Allez, une fois n'est pas coutume, on vous fait des doublettes, on vous met parfois des groupes tout seul. Là, on va finir l'émission avec une triplette. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Tout d'abord, Engulfed, la dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. À ne surtout pas confondre avec Engulf, le groupe de death dissonant et ultra caveman qu'on vous a diffusé il y a une paire de semaines, sorti chez Everlasting Spew. Engulfed, là on est sur du death qui nous vient de Turquie, actif depuis bientôt 15 ans. C'est le second album studio qui vient de sortir chez Darktisan Records. Entre-temps, le groupe a publié deux EP de 25 minutes chacun. Comme souvent avec le death turc, on est sur quelque chose ultra qualitatif. Là, on est sur une approche plutôt crado et hostile dans la lignée d'un Dead Congregation ou autre Incantation. Ça sent le soufre pendant 40 minutes avec des échos ultra expérimentés, déjà impliqués dans différentes autres formations dans le pays. Niveau technique, donc très important. En, non pas doublette, mais en triplette avec Engulfed, on va s'écouter un petit titre de Witches, le morceau Black Sorcerer, extrait de l'album 341, qui était sorti en mai 1994. C'est donc l'occasion de célébrer les 30 ans de cet album culte. 30 ans que le groupe pourra fêter sur la scène de l'Anthem of Steel dans une bonne... un peu moins d'une semaine. Nous, toute l'émission Hellbanger, toute l'équipe y sera pour la deuxième année de suite. Impossible de rater cette affiche ultra quali à une heure de tour seulement. Donc, n'hésitez surtout pas, on en a déjà parlé. On retrouve Destruction, Witches, Necrowatch et plein d'autres. Toutes les infos sont dispo sur les réseaux. Et en clôture de l'émission de ce soir, on se réécoutera un petit titre de Conservative Military Image parce que c'était une des dernières très bonnes découvertes de ces dernières semaines. Et surtout, ça nous sort encore un peu plus de notre zone de confort. On reste sur de la musique extrême et Conservative Military Image. On s'écoutera le titre Oliver Kahn parce que, oui, en 2023, la formation américaine a sorti un titre tubesque en hommage au portier de la Mannschaft d'il y a quelques années. On va pas bouder notre plaisir. Taper une bonne barre de fun, ne serait-ce que pour le commentaire footballistique en allemand du début du titre. Bon, même si personnellement je n'ai un peu rien à carrer du foot, juste je trouve que l'hommage est très plaisant. Sur ce, excellente fin d'émission à toutes et à tous, bonne fin de soirée, et bien sûr, rendez-vous à l'Anthem of Steel le week-end prochain. Ciao, ciao! auf. Schuss und Kahn legt dir die Latte im Bild. Kahn reißt die Hand nach oben. Tremendous save from a world-class keeper. Oliver Kahn proving it's impossible to beat. And a straight up the field for Donovan. He's onside. Wayne McDonovan against Oliver Kahn. Break away. Here's to the loyal ones. I wish there were more of us.